On a de tout dans le sang, du bon et du démon qui nous brûle la raison et nous retourne la maison. On a le cœur qui bat trop vite et des fourmis dans le pantalon, des sueurs, des glaçons dans notre échine de bûcheron. À tambour battant, entre fanfare et paresse, artificier du bourbon, des donateurs de l'ivresse. On a des vertèbres de plomb et un millier de rêves, et sans attendre notre tour, la peur de l'âme relève. Nous sommes l'herbe folle et nous brûlons comme la paille. De bécane, des photos de madame et des bouteilles de butane qui tanguent et scognent, foutent le feu à la cabane. Ça nous brûle la trogne, à la vie, à la gagne. Gentleman du bistrot, l'élégance du lève-tard, une odeur de vieillot collant comme un couloir. On n'en a rien à cirer de cette nonchalance notoire que rien n'empêchera de marquer l'histoire. Car nous sommes l'herbe folle et nous brûlons comme la paille. Et nous fleurirons du sol, de vos champs de bataille. Quand Dieu est en voyage d'affaires, nous sommes un camion d'essence, un train dans la poussière et des wagons de défiance pour éclairer l'hiver et réchauffer la nuit. Quand les villes s'endorment, on déraille à l'envi. C'est quoi ce bordel, Django? Sors la tête de ton lit. Y'a plus de place dans nos cœurs, on bat les pavés d'ennui. On est les marins du vent, les vendeurs des minuit. Ce battement qui perce les tempes d'envie. Nous sommes l'herbe folle et nous brûlons comme la paille. De bataille.